بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 67. 67 كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها إلى والدي العزيز أو إلى أخي الكريم، فهل هذا شيء، هل في هذا شيء أثابكم الله ونفع بكم؟ Donc la 10 personne maintenant écrit à quelqu'un. Et dans la lettre, il écrit, مثلاً, à mon frère, Al-Aziz, dans le sens de cher ici. Ou à mon frère, Al-Karim, c'est-à-dire le sens de noble, mon noble frère. Est-ce que cela, y a-t-il un greffe en cela? فَأَجَابَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لَيْسَ فِي شَيْءٍ بَلْ هُوَ مِنَ الْجَائِزِ قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc il a dit, il n'y a aucun mal en cela. Cela est permis. Allah, dans le sens où il dit, vous êtes venu un messager de vous-même, sur qui pèse lourd ce que vous subissez, et qui est soucieux de vous, et miséricordieux et pardonneur envers les croyants. Sur le Tawba. Le désaveu, verset 128. وَقَالَ تَعَالَى وَلَهَذَا عَرْشٌ عَظِيمٌ Et elle a un trône immense, en parlant de Malik al-Saba, la reine de Saba. Surat al-Naml, les fourmis, verset 23. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ الْكَرِيمَ إِبْنَ الْكَرِيمَ إِبْنَ الْكَرِيمَ يُوسُف Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le noble, fils du noble, fils du noble, Yusuf. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ تَصِيحُ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ ولكن اتصاف الله بها لا يمثل شيء من اتصاف المخلوق بها فإن صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به. Donc cela montre que le fait de donner ce genre d'attributs aux gens, cela est permis, cela est propre à Allah à la base, mais cela peut être attribué autre que Allah. Cependant, lorsque cela est attribué à Allah, ces attributs sont propres à lui-même, ça ne convient à personne d'autre. Tout comme les attributs qu'on donne à la créature, elles sont propres à elles-mêmes, elles sont propres à Allah, car la créature est imparfaite et limitée. Quand on dit مثلاً Allah wal Karim, et qu'on dit مثلاً أخونا زيد الكريم, ce ne sont pas la même chose, ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Le karam d'Allah, sa noblesse et sa générosité ne sont pas celles de la créature. Mais le mot est le même, le mot est mushtarik. Donc il dit وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه العزيز يعني أنك عزيز علي غال عندي وما أشبه ذلك ولا يقصد بهذا أبدا الصفات التي تكون لله وهي العزة التي لا تقهر بها أحد وإنما يريد أنك عزيز عليها غال عندي وما أشبه ذلك. Il a dit le fait que quelqu'un dise par exemple à son père ou à sa mère ou son ami العزيز, c'est-à-dire dans le sens que tu es cher pour moi, tu as de la valeur pour moi. Il ne vise pas par cela al-izza, la puissance et la valeur qui elle revient à Allah. Là, c'est pas ça qu'il veut lui. Donc dans ce sens-là, cela est permis de dire à quelqu'un al-aziz, al-karim ou même al-azim wa akada. Naam. Thumma qala fi su'al at-tasi' wa sittin. 69e question. Su'ila al-shaykh rahimahullah ta'ala hukm wasf al-shakhs bi Malik al-Amlak Abi Qadi al-Qudha. Donc il faut interroger quant au fait de nommer quelqu'un, ou plutôt d'écrire quelqu'un comme étant le roi des rois ou le juge des juges. Et ça c'est un bœuf qu'on trouve dans Kitab al-Tawhid également. فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ أَن نَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِنَّ أَخْنَعْ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهُ رَجُلٌ تُسَمَّ مَلِكَ الْأَمْلَكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le nom le plus vil auprès d'Allah, c'est un homme qui serait nommé le roi des rois. Il n'y a pas de roi si ce n'est Allah. Et là, il parle de la royauté absolue, la possession absolue. أخنع اسم يعني أودعه أودع اسم عند الله هذا الرجل الذي تسمى إما بتسمية نفسه أو برضاه بهذه التسمية ملك الأملاك. Donc là, ça peut être pour quelqu'un, le plus vil des noms, pour quelqu'un qui se fait nommer de la sorte et qui l'agrée cela. Soit lui-même se nomme de la sorte, ou soit les gens le nomment de la sorte et lui il agrée cela. Sans quoi, quelqu'un qui serait décrit par les gens de la sorte, lui n'agrée pas, lui, il n'y a rien, aucun reproche sur lui. Le reproche sera sur les gens. من الذي يستحق هذا الوصف مالك الأملاك لا يستحقه إلا الله ومن تسمى مالك الأملاك فإن هذا أخنع اسم عند الله يدعه الله حيث رفع نفسه. Donc il a dit qui donc mérite d'être tiré de la sorte comme étant le roi des rois? Il n'y a que Allah. Il n'y a que Allah. Car c'est lui le roi des rois. Donc nommer quelqu'un de la sorte est un nom avili auprès d'Allah. Du fait que la personne s'élève elle-même par ce genre de nomination. Donc il sera avili. قال وما قاضي القضاء فقال بعض العلماء انه مثل مالك الاملاك فان سلمنا انه مثله فانه اذا قيل قاضي القضاء في جهه ما فما المراد قاضي القضاء في هذه الجهه فابن حجر قاضي القضاء في مصر ليس قاضي القضاء من كل مكان او في كل مكان. Donc il a dit maintenant nommer quelqu'un le juge des juges. Il y a des ulama, ils voient que cela rentre dans le même jugement que le roi des rois. Et l'auteur, lui, il voit qu'il y a un tensile. Si jamais cela, le fait de dire le juge des juges, dans un domaine particulier, ou dans une époque particulière, il dit, il n'y a pas de mal. Par exemple, il dit que Ibn Hajar, c'était le juge des juges en Égypte. Ça veut dire qu'il y avait plein de juges en Égypte, dans différentes contrées, et le juge suprême au-dessus de tous, celui vers qui le jugement final revenait, c'était Ibn Hajar. Donc, c'était le juge des juges. Donc il a dit à ce moment-là, cela peut être permis, mais il faut que cela soit conditionné par une époque et par un lieu, et également un domaine. C'est un peu comme nous aujourd'hui, quand on va dire la police des polices, à la base de la police, c'est eux qui ont autorité sur les civils. Et cette police-là, quand elle-même tombe dans les elle dépasse les limites, elle tombe dans la transgression. Qui va donc agir sur elle comme elle agit sur les autres? On appellera ça la police des polices. C'est-à-dire une police mise en place exprès pour les polices. Et bien chez les juges, eux-mêmes, des fois les juges, ils ont entre des différends ou des divergences ou quoi, il faut un autre juge qui juge entre eux. Donc celui-là, ça va être qui? Le juge des juges. Mais là, c'est, comme on dit, il faut préciser le juge des juges, مثلاً, dans telle région ou en telle époque, ou dans tel domaine. Et là, à ce moment-là, l'auteur dit que c'est permis. Non. Selon lui. هذا الذي قلنا اليوم والحمد لله رب العالمين.